Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De port en port, histoire de destin syrien. En 1861 paraît La Syrie devant l'Europe, une plaquette qui s'interroge sur ce qui se passe en Orient. Voici ce qu'on peut y dire. Il faut avouer que si en Orient les événements facilitent la solution de toute question en Occident, dans le cadre de la liberté et du progrès, pour l'Orient ce n'est pas la même chose. Tout ce qui tient d'ailleurs au dossier de cette vieille et interminable question éveille au tribunal européen tant de mesquines passions qui lui incombent une lourde part de responsabilité dans les malheurs qui accablent aujourd'hui la Syrie et le Liban. Un coup d'œil rétrospectif est ici nécessaire. Quelle sage décision ! Toujours appeler les historiens et les historiennes pour comprendre une situation, voyager dans le passé, pourquoi pas sur un bateau. On ne pouvait pas penser, après un voyage en Palestine, de ne pas aller en Syrie. D'ailleurs, le point d'embarquement et de débarquement en général était Beyrouth, où relâchaient les bateaux français qui venaient très souvent en Syrie, étant donné que la Syrie était alors, comme vous vous en souvenez, sous mandat français. Il y avait deux parties en Syrie. Une tout à fait tranquille, qui était le Liban, où il y avait beaucoup de chrétiens, où les gens était riche, aisé, surtout à Beyrouth. C'est Joseph Kessel, écrivain, voyageur, qui s'exprimait à propos de Beyrouth, Damas, des aventuriers. Bonjour Céline Rognard. Bonjour. Dites-nous, il y a une précision tout de suite à apporter pour bien savoir de qui il est question, les Syriens. Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, en transit, c'est votre ouvrage. Qui sont ces Syriens ? Alors, merci de votre invitation. D'abord, ces Syriens, vous faites bien de le préciser d'emblée, qui sont sur le titre, sur la couverture du livre, ce ne sont pas des Syriens au sens actuel du terme. Ce sont des habitants de la région qu'on appelle à l'époque la Grande Syrie, qui est en fait une partie de l'Empire ottoman. Et si on devait parler avec des termes d'aujourd'hui, ce sont des Libanais. Ils sont issus de la montagne du Mont Liban, de la région de Beyrouth, de la plaine de la Bekaa. Donc ce sont des Libanais et comme votre extrait le rappelle, ce sont pour l'essentiel d'entre eux des chrétiens, maronites, orthodoxes, qui vivent dans cette région à cette époque-là. Et à la suite effectivement du règlement de 1861, qui sont protégés par une réglementation qui a été mise en place par l'Empire ottoman, mais qui commence une grande aventure migratoire dans les années 1870-1880. En cette fin du 19e siècle, cette région du monde n'est pas du tout ignorée des Européens, mais bien loin de là. Hein. Cette région, le Liban, l'Orient, ces années 1850-1860 et puis les années qui suivent, c'est vraiment une préoccupation. On sait ce qui se passe là-bas. On comprend pas toujours, mais on sait ce qui se passe. Oui, ça c'est un peu ce mythe hein, de la question d'Orient, de toute sa complexité. Alors du point de vue de la France, c'est évidemment une région qui n'est absolument pas ignorée ni oubliée. Il y a eu de nombreux voyages en Orient. Les relations diplomatiques, économiques sont très anciennes. Il y a aussi des missions dans cette région, notamment des missions religieuses qui sont associés à des missions d'enseignement. Et puis, il y a des liens maritimes, comme c'est rappelé aussi dans l'extrait. Il y a notamment une des plus grandes compagnies maritimes françaises de l'époque, les messageries maritimes, qui a des lignes circulaires en Méditerranée, qui touchent à plusieurs ports de cette côte de la Méditerranée orientale, dont Beyrouth. Donc il y a des liens privilégiés qui sont à un arrière-plan tout à fait favorable au phénomène que je décris, hein, c'est-à-dire au passage de ces populations migrantes par la France pour ensuite gagner d'autres régions du monde. Pour cette région, alors j'utilise le mot Liban qui est plutôt contemporain, mais c'est la Syrie de ce moment-là, dans un terme beaucoup plus général. Nous sommes chez qui ? En fait, c'est pas un territoire indépendant encore. Non, absolument pas. Le mandat est mis en place après la Première Guerre mondiale. C'est un territoire qui dépend de l'Empire ottoman. mais qui a un statut particulier par un règlement de 1861. Donc il y a deux vilayettes, il y a le vilayet de Syrie et le vilayet de Beyrouth, et en son sein, il y a aussi une région qui bénéficie d'un statut un peu particulier, le Mouta Sarifa, qui est réglementé à partir de Beyrouth. Dans cette région-là, nous sommes à un carrefour, on le sent bien, hein, toujours ici, il y a cette idée de carrefour. Carrefour commercial, notamment. S'il y a autant d'échanges, il y a de la géopolitique, bien sûr, mais il n'y a pas que de la géopolitique. Oui, carrefour commercial. Beyrouth, en particulier, est un port qui connaît un développement extrêmement important dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est une ville qui se modernise beaucoup, le port se modernise. Et donc, il y a exportation et importation. Pour la région qui me concerne et dont sont issues ces populations, c'est l'économie de la soie qui s'est développée particulièrement dans les années 1860, avec un bouleversement des pratiques agricoles, un développement de la culture du mûrier, et pour en extraire les vers à soie et donc la matière première pour fabriquer la soie. Et c'est toute cette économie qui est bouleversée en 1869 par l'ouverture du canal de Suez et par la concurrence que viennent faire les soies asiatiques sur les marchés européens. Ce qui explique aussi ce courant migratoire, parce que cette économie de la soie qui avait modernisé les campagnes, apporté de la richesse, apporté de l'argent, et permis l'ascension sociale d'un certain nombre de populations, notamment de populations paysannes, eh bien, elle est en très grande difficulté dans les années 1870-1880 et associée à un décollage démographique très important. Une partie de la population se trouve un petit peu sans ressources et contrainte finalement d'aller chercher ailleurs des ressources économiques qui sont très difficilement accessibles sur place. Voilà, on parle beaucoup de mondialisation associée au XXe siècle, mais là on voit bien que l'ouverture du canal de Suez permet à la soie chinoise d'arriver jusqu'en Europe. Malheur pour ceux qui cultivent les mûriers et donc les vers à soie qui se trouvent au Liban. C'est la route de la soie qui établit le tout premier lien entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Et ce fil magique fraya sa route à travers les déserts, les montagnes et les mers. Le musée historique des tissus de Lyon, le plus riche du monde, possède des tissus du haut Moyen-Âge et des tissus musulmans qui sont les étoffes les plus anciennes que l'on connaisse. Ces pièces très fragmentaires ont appartenu à des ornements d'église et proviennent de suaires trouvées dans des châsses ou des tombeaux dans lesquels les conditions de conservation ont permis à ces étoffes de venir jusqu'à nous. Cette soie que vous aimez dans l'émission Aujourd'hui Madame en 1973, Céline Regnard, dans cette crise en fait, on peut parler d'une crise économique pour le Liban, il y a ce moment de l'ouverture du canal de Suez, de la concurrence chinoise, mais vous le dites bien, il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un facteur qui explique les phénomènes. Vous parlez d'une explosion démographique. Comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour essayer de comprendre qu'une partie de la population désire partir? Mais il y a des bouleversements démographiques qui sont liés à plusieurs choses. D'abord, il y a des départs vers Beyrouth. Il y a un exode rural comme il en existe dans d'autres pays à la même époque, qui est lié à l'urbanisation, à l'industrialisation, à la volonté de trouver une vie meilleure en ville. Et puis, ce développement économique des campagnes, dans lequel d'ailleurs les Français ont joué un rôle très important, en particulier les soyeux lyonnais qui ont beaucoup investi dans cette région, qui faisaient des affaires avec le Liban, en particulier la montagne du mont Liban, a permis un développement de la population, une aisance nouvelle. Et donc, il y a effectivement un phénomène d'accroissement démographique. Ce sont des campagnes qui sont très pleines. Et l'exode rural sur place ne suffit plus à absorber cette population. Donc on se retrouve dans les années 1880 avec une jeunesse qui finalement n'a plus beaucoup de perspectives sur place et pour laquelle l'expérience d'un certain nombre de pionniers, de ce que j'appelle des pionniers, c'est-à-dire des commerçants qui avaient été notamment fréquenter les grandes foires internationales, que ce soit à Paris ou aux États-Unis, et qui en étaient revenus des étoiles dans les yeux, si on peut dire, avec cette idée qu'on pouvait évidemment aller, qu'il y avait des marchés énormes qui étaient ouverts au-delà des mers, et bien ces récits, ces premières expériences ont contribué à créer un flux migratoire qui ensuite se développe de manière extrêmement forte dans les 20 dernières années du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Nous connaissons les deux grandes causes qui poussent aux migrations. C'est partir pour améliorer sa vie, pour des raisons économiques. Et puis après, il y a partir pour fuir. Et dans cette région, la Syrie, il y a quand même, et nous sommes à la fin du 19e siècle, le souvenir douloureux des massacres de Damas. C'était en 1860, avec le rôle formidable d'Abdelkader. Abdelkader, l'Algérien qui a sauvé ces chrétiens. Est-ce que c'est une des raisons aussi qu'il y aurait, une oppression ottomane sur les chrétiens qui pourrait expliquer des départs ? Alors ça a souvent été l'explication donnée, à la fois par les acteurs de l'époque, qui ont beaucoup donné cette explication lorsqu'on les interrogeait sur les raisons de leur départ. Notamment, c'est un point sur lequel ils ont beaucoup insisté aux États-Unis ou en Amérique du Sud. En réalité, la situation est assez stable, même si effectivement, on peut dire que l'Empire ottoman est un empire qui évolue vers une politique de plus en plus favorable aux musulmans à cette époque-là. Mais ils ne sont pas réellement en danger. Ils pressentent cette évolution de l'Empire ottoman. C'est une minorité qui, effectivement, comme vous l'avez dit, a vécu des tensions interconfessionnelles extrêmement violentes, avec des massacres très violents. Et donc c'est un arrière-plan plus qu'une cause directe. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, effectivement, c'est le premier argument qui a été donné très souvent. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à dire, pour être bien reçu dans un pays, je risque ma vie si je reste dans mon pays d'origine pour ma confession religieuse, qui en plus est la même que celui du pays d'accueil, plutôt que de dire je viens parce que je souhaite gagner de l'argent et réussir ma vie d'un point de vue économique. Donc il faut bien distinguer ce qu'on peut dire historiquement aujourd'hui avec les sources et une certaine critique vis-à-vis de ces récits, et puis les récits eux-mêmes, qui sont un construit, et un construit qui circule. Donc lorsque un petit groupe a dit cet argument, ça a été le sésame qui a fait qu'on a été bien reçu, l'ensemble du groupe va reprendre cet argument. Il y avait même la pratique chez certains de se faire tatouer une petite, chez certains musulmans notamment, de se faire tatouer une petite croix sur la main pour laisser à penser qu'ils étaient chrétiens. Donc il y a un jeu sur ces identités religieuses qui vient de la grande défiance de beaucoup de nations de cette époque-là vis-à-vis de cet empire ottoman qui affiche une politique de plus en plus ouvertement confessionnelle. Céline Renard, vous avez travaillé sur ces Syriens. Alors, En transit, c'est le titre de l'ouvrage publié par Anna Mossa, Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914. C'est un vrai voyage. Donc, on part de Beyrouth. En toute logique, nous sommes là. Il y a d'autres ports de départ ? Il y a d'autres ports de départ, notamment Tripoli, au nord de Beyrouth. Alors, le livre est... La façon dont j'ai essayé de le raconter n'est justement pas un voyage. C'est-à-dire, j'ai essayé d'expliquer ce qui se passe dans quatre ports en mettant les situations en perspective. J'ai essayé, vous aviez Nancy Green à votre micro lundi, j'ai essayé justement de ne pas suivre les migrants de port en port, mais de voir ce qui leur arrivait à différentes étapes du voyage. Parce que le but de mon propos, c'est justement de ne pas mettre en avant une immigration ou une émigration, mais bien de s'intéresser au phénomène migratoire en lui-même et donc à quelque chose qui lui est inhérent, qui est le transit et la traversée des ports. Donc on voyage effectivement, mais on voyage par la perspective du port et dans le port. Avec cette idée de transit, c'est le titre de l'ouvrage, En transit, parce que là aussi c'est très lourd de sens ce mot d'ailleurs. C'est quoi le transit ? C'est quoi être en transit ? Alors, le transit, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, ni dans le temps, ni dans la distance. Le transit, c'est ce que j'ai appelé une catégorie de la pratique. C'est-à-dire une personne entre deux voyages et qui pense qu'elle ne va pas rester dans ce lieu, peut se définir en transit. Donc dans la migration, il y a toutes sortes de transits, comme je l'explique et comme on peut le constater même encore aujourd'hui. Il y a des transits qui durent quelques heures, quelques jours, et puis il y a des transits empêchés, des transits bloqués, qui aboutissent à des situations dans lesquelles les migrants sont coincés par des situations administratives, souvent, et ça fait écho à aujourd'hui. Récemment, il y avait un article dans Le Monde sur la situation de Casablanca, sur les migrants africains à Casablanca, mais typiquement, ce sont des migrants en transit bloqués dans une ville dont ils ne peuvent pas partir et ils ne veulent pas rentrer chez eux non plus. Donc le transit, c'est vraiment cet état de l'individu qui passe par un territoire pour en gagner un autre, qui conjugue un futur à un ailleurs, qui ne veut pas rester dans l'endroit où il est, mais en attendant, il est bien obligé de vivre dans cet endroit où il se trouve. Et vous l'avez dit, c'est une période de mondialisation, d'accélération des transports, en particulier des transports maritimes. Il n'empêche que on n'enchaîne pas deux avions comme aujourd'hui. Hein. On enchaîne deux bateaux et donc entre le temps où premier bateau arrive et le deuxième repart, il peut se passer plein de choses. La navigation à vapeur, hein, c'est le grand progrès du moment. Ben, ça facilite aussi tout ce que l'on évoque. Mais Beyrouth, c'est, j'ai envie de dire, le point de départ. Mais voilà, nous sommes en Syrie, donc Liban, Syrie actuelle. Pourquoi être en transit à Beyrouth? C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir facilement. Faut des papiers. D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de quitter comme ça facilement? En l'occurrence, c'est l'Empire ottoman. Oui, alors... Plus exactement, c'est vrai que dans l'étude, dans le livre, il y a deux ports qui sont réellement des ports de transit, qui sont Marseille et Le Havre. Et puis, il y a des ports qui sont des ports de transit entre l'intérieur d'un pays et la mer, qui sont Beyrouth et New York. Alors, pourquoi j'appelle Beyrouth port de transit? Parce que tous les voyageurs, tous les migrants ne partent pas de Beyrouth. Donc, ils sont en transit à Beyrouth, mais ils viennent de leur village ou de leur ville d'origine. Alors, vous avez raison de le souligner, quitter l'Empire ottoman n'est pas facile. Parce que la première chose dont on se rend compte lorsqu'on travaille sur cette population, c'est qu'il y a un énorme contraste entre les possibilités légales de partir. Il est interdit en théorie d'émigrer en dehors de l'Empire ottoman jusqu'en 1898. Et pourtant, il y a plein de gens qui le font. Et la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes, 300 000 personnes sur la période que j'étudie, qui partent. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a un phénomène de contournement de la loi par l'obtention de laissez-passer, qui sont en théorie souvent des laissez-passer pour l'intérieur de l'Empire ottoman, mais qui sont utilisés pour partir, traverser la Méditerranée, moyennant le paiement, le soudoiement de quelques fonctionnaires complaisants et d'une police qui ferme les yeux sur la présentation de quelques pièces également. Et puis c'est un jeu de double regard ici. Bon, il y a le regard occidental, européen, avec un fantasme de l'Orient, et beaucoup d'incompréhension. Et à l'inverse, il y a un regard depuis la Syrie, de la part de ces Syriens, pour l'Europe qui est vue. Alors là, c'est quoi? C'est une migration avec l'espoir d'une amélioration des conditions de vie parce que il y a plus de possibilité d'avoir des terres, donc on peut plus être agriculteur. C'est ça, c'est un schéma comme de ce mode-là. Oui, il y a un double regard. C'est très intéressant de le souligner. Alors évidemment, il y a tout un mythe de l'Orient qui appartient au registre de l'orientalisme. Hein, donc ce mélange à la fois de fascination, on le voit très bien dans les descriptions de presse, de l'aspect physique de ces personnes, de leur beauté, de la manière dont ils sont habillés, des couleurs chamarrées dont ils se vêtissent, etc. Et puis fascination et un peu inquiétude, répulsion. Sont-ils des criminels? Sont-ils violents? Sont-ils comme les Orientaux sont supposés l'être dans ce registre de représentation, paresseux, indolents, malhonnêtes? Donc il y a ce mélange de regards, cette ambivalence, on le voit très bien dans les archives de police ou dans les descriptions de presse. Ça c'est vrai, c'est un aspect très intéressant de l'étude qu'on peut faire, c'est-à-dire de voir comme tout migrant, mais c'est le cas aujourd'hui encore et c'est le cas sur d'autres populations aussi à l'époque, charrie avec lui tout un lot de préjugés, de représentations. Et de leur part, il y a aussi des représentations qui sont liés aux récits qu'ils connaissent des destinations dans lesquelles ils se rendent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et Delphine Diaz l'a souligné lundi, c'est que aucun migrant quasiment ne part sans avoir un minimum d'informations et un minimum d'idées de ce à quoi s'attendre. Et ils ont tous quasiment en tête des récits d'un habitant du même village, d'un cousin, d'un oncle ou d'une cousine, parce qu'il y a des femmes aussi qui partent, qui leur a raconté non seulement le voyage, mais les villes qui vont être traversées et les États-Unis, en l'occurrence ici, puisque c'est le pays que j'ai étudié, mais ça pourrait être aussi le Brésil ou l'Argentine. Donc, ils partent avec cette information qui est complexe, qui est un mélange de mythes, notamment de mythes de la grande ville. L'arrivée à New York, c'est quand même quelque chose qui marque beaucoup les récits. De mythes et en même temps d'informations extrêmement précises sur lorsqu'on pratique le colportage, ce qui est la réalité professionnelle de la majorité d'entre eux, où acheter les produits, quel chemin prendre, à quoi faire attention. Donc ils ont des informations très factuelles et très précises, et aussi un ensemble d'informations qui relèvent du récit de la migration, ce qui est tout à fait classique, et ce qu'on constate dans beaucoup de courants migratoires à travers les âges. Important ces regards, parce que nous parlons de migration. Alors bien sûr, au moment d'accueillir des gens, il y a les représentations qui s'imposent. Cette fascination pour l'Orient, eh ben, on la retrouve un peu plus tard avec André Salmon. C'est André Salmon, un écrivain, c'est un homme proche d'Apollinaire et des cubistes. Mais j'aime le voyage, j'aime le départ, la gare, le train. Hein. Et j'aime écrire un poème sur les trains. Sur la nuit des troisièmes classes, j'ai écrit ça dans ma jeunesse. Je songe à des ciels, à des climats, et à des certains bouts de morceaux de paysages que je trouve partout. J'ai vu un aspect de Nogent-sur-Marne sur les bords de l'Euphrate. J'étais ravi. J'étais en Syrie, au Liban, en Jordanie, j'étais chez les Druzes, les gens charmants. C'est un pays de rêve chez des gens qui ne rêvent pas. Ce sont les gens les plus assurés, les plus fermes, les plus calmes. Ou alors ils sont sous, ils fument du hashish. Et... Alors ça, c'est autre chose. Avant de partir, j'espérais davantage de l'architecture. Mais pas des bons hommes. Les bons hommes ne m'ont pas étonné du tout. L'architecture m'a plutôt déçu. Je passerais très bien un an de recueillement. Peut-être que je me convertirais à quelque chose si j'étais au désert. Pas l'islam, non. Je suis en train d'écrire quelque chose sur les transports. Du mulet au chameau, au traîneau, au bateau, etc. André Salmon qui s'exprime en 1955. Alors là, c'est vrai que c'est un condensé représentation sur ces gens qui viennent d'Orient, les druzes, très sympathiques. C'est intéressant ça à voir, parce que il y a ces regards particuliers, différents, et le voyage lui-même, le départ ici, est vu comme quelque chose de positif. Dans ces Syriens en transit que vous avez étudiés, Céline Regnard, il y a vraiment la volonté de partir avec des réseaux constitués, vous l'avez dit, des liens. Faut de l'argent aussi, parce que le voyage, il se fait par bateau, il faut payer un billet. Oui, il faut payer un billet, il faut de l'argent. Ça a été rappelé cette semaine, ceux qui partent, ce sont pas ceux qui sont sans argent. Ce sont ceux qui ont une terre à hypothéquer, un bien à vendre ou une famille qui peut leur prêter de l'argent. Il faut avancer au moins le billet entre Beyrouth et le premier port qu'on va toucher en Europe, en l'occurrence souvent ici Marseille. Une fois ce premier voyage effectué, il y a plusieurs possibilités. Comme vous venez de le souligner, ces personnes ont souvent des réseaux et ont de la famille, souvent à l'étranger. Il y a la possibilité de se faire envoyer de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. De même que se pratique beaucoup l'envoi d'argent au village d'origine ou dans la ville d'origine par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les remises. Et les remises de l'émigration sont une manne considérable dès les années 1890. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui rentre au Liban par ce biais. C'est quoi les remises ? C'est l'argent que ceux qui sont installés en Argentine, au Brésil, aux États-Unis envoient à leur famille qu'ils économisent et qu'ils envoient à leur famille pour faire vivre leur famille dans leur pays d'origine. C'est encore aujourd'hui un aspect extrêmement important des migrations. C'est cette économie tout à fait fondamentale. C'est des sources de revenus considérables dans certains pays encore aujourd'hui. Donc, il faut de l'argent. Lorsque on ne se fait pas envoyer d'argent, il y a aussi la possibilité de travailler dans la première étape, donc dans le transit, pour gagner de l'argent. Et c'est une situation qui n'est pas rare. On voit, par exemple, à Marseille, des jeunes, notamment, des très jeunes migrants, des adolescents, travailler dans des hôtels tenus par des compatriotes pour pouvoir gagner l'argent du deuxième billet. On voit aussi des jeunes hommes, souvent, interrompre leur parcours migratoire pour quelques mois, quelques années, et travailler à Marseille comme rabatteurs. Donc, ils vont rendre des services auprès de leurs compatriotes, les emmener vers des hôtels, vers des restaurants, vers des commerces, moyennant un peu d'argent, souvent en étant eux-mêmes logés dans ces hôtels, et essayer d'économiser pour leur départ. Donc, la question de l'argent est évidemment centrale. Et elle l'est d'autant plus que pour rentrer aux États-Unis, à partir de 1891, il faut une certaine somme d'argent, minimale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 25 dollars, vous ne rentrez pas aux États-Unis. Et le rejet est quelque chose qui est évidemment tout à fait inenvisageable. C'est un échec. Donc la question de l'argent, de ne pas se faire voler son argent, d'arriver à le conserver sur soi, de ne pas le dépenser de manière inconsidérée durant le voyage, est tout à fait centrale. Alors, au fur et à mesure que la personne progresse dans son parcours migratoire, puisqu'il y a beaucoup de circulation, il y a des allers-retours entre le pays de destination et le pays de départ, cette question de l'argent devient un peu moins difficile et une forme d'habitude, hein, c'est-à-dire que les économies sont faites, les situations sont un peu mieux installées, les dangers sont connus, et à ce moment-là, la situation est plus simple. Mais lors du premier voyage, c'est évident que c'est une question tout à fait centrale. Au moment d'imaginer le voyage, ces Syriens, Libanais, ont déjà en tête la destination finale. Vous évoquez souvent les États-Unis, le Brésil ou l'Argentine. Pas la France tant que ça en destination finale. La France, c'est vraiment le lieu de passage, c'est le transit, c'est ça? Oui, tout à fait. Les destinations privilégiées à cette époque-là sont pour les deux tiers l'Amérique latine, essentiellement Brésil et Argentine, et pour un tiers les États-Unis, un tout petit peu le Canada. L'Europe et la France sont réellement une zone de transit. Ça a été rappelé également lundi, la France est un pays de transit, hein, puisque c'est une façade maritime considérable et qu'il y a l'Europe entière qui peut traverser la France, notamment l'Europe de l'Est. Et avec ses grands ports, la France a une position tout à fait privilégiée dans le phénomène du transit. Donc il y a quelques Syro-Libanais installés en France à l'époque dont je parle, mais ça ne dépasse pas à Marseille, par exemple, 1000 personnes, ce qui est assez faible par rapport aux 100 000, par exemple, qui vont s'installer aux États-Unis au cours de cette période. Donc c'est réellement une migration mondialisée qui s'installe de l'autre côté de l'Atlantique, qui fait d'ailleurs partie du grand mouvement migratoire qui traverse l'Atlantique en cette deuxième moitié de 19e siècle, et dont la parenthèse se referme au début des années 1920 parce que les États-Unis installent des restrictions visant particulièrement ces populations au début des années 1920. Céline Renard, vous nous avez expliqué les liens historiques hein, qui unissent ces populations à la France et nous évoquons souvent Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres destinations? Est-ce qu'ils passent par l'Italie par exemple? Alors, il y a quelques compagnies maritimes allemandes, italiennes et britanniques qui exploitent les lignes hein, en Méditerranée. Mais l'essentiel, vraiment l'essentiel des Syro-Libanais passe par Marseille. Marseille, dont les autorités portuaires, les grands négociants à la Chambre de commerce, redoutent énormément cette concurrence et font tout pour garder ce qui, il faut bien le dire, est un marché. pour la ville de Marseille. C'est une manne financière, à la fois pour les compagnies maritimes, mais aussi pour les hôteliers. J'imagine qu'on va en reparler, mais pour les hôteliers sur place dans la ville. Donc, Marseille est vraiment la plaque tournante de ce transit. C'est à peu près 20 000 personnes par an qui transitent par Marseille au départ de Beyrouth dans les années 1910, ce qui est tout à fait considérable. Et qui est un phénomène qui avait été quasiment oublié jusqu'ici, pour une raison très simple, c'est que comme la France, vous l'avez dit très justement, n'est pas un pays d'installation, et comme on a étudié beaucoup les migrations du point de vue de l'installation et de l'intégration, eh bien, on a eu tendance à laisser de côté tous ceux qui ne faisaient que traverser le territoire, ou les ports comme Marseille et Le Havre, puisque c'est également un très grand port de départ. Oui, c'est en ça que votre travail, Céline Regnard, en transit chez Anna Moza, c'est aussi pour combler un vide dans la recherche, parce que il y avait besoin de porter ces nouveaux regards, tout comme il y a des travaux sur l'immigration des élites qui avaient été laissés un peu de côté. Ben voilà, maintenant c'est l'ensemble des migrations qui est étudié avec ces différents points de départ, Beyrouth ou Tripoli du Liban, et puis bien sûr ce port Marseille. Depuis longtemps, sur des airs joyeux, on a chanté Marseille. Son doux climat, son ciel radieux, et ses mille merveilles. Sa canebière est populaire, mais pour nous plaire, il est encore un coin étrange qui toujours change, c'est le coin du vieux port. Au monde, y'a rien de pareil qu'un beau jour de soleil sur le port de Marseille. Il y passait toute sa vie, ça vaut son pesant d'or à Marseille sur le port. Cora Madou qui chante le port de Marseille dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Élise le cours de l'histoire qui s'intéresse à ces Syriens en transit, le port de Marseille. Céline Regnard, en transit, vous commencez d'ailleurs votre ouvrage en 1908, c'est une anecdote pas du tout, c'est un fait divers absolument dramatique, une malle sanglante, mais l'historienne que vous êtes, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université, évidemment, analyse le fait divers. Déjà, on peut rappeler ce qui s'est passé? Oui, alors c'est un fait divers absolument spectaculaire, c'est un crime qui se déroule en 1908. Pour le résumer simplement, les protagonistes, c'est une femme qui est une migrante issue de mon Liban et qui a passé sa vie à faire des allers-retours entre sa région de départ, sa région natale, et l'Amérique latine, en particulier la Colombie, le Venezuela. Elle en est à son sixième passage à Marseille lorsqu'elle arrive en août 1908. Elle a une soixantaine d'années et sans doute c'est son dernier retour. Voilà. Elle s'est liée d'amitié lors de ses différents passages à Marseille avec une hôtelière qui est d'origine espagnole, qui tient un petit hôtel essentiellement destiné à une clientèle de Syro-Libanais dans le quartier du port, juste derrière l'hôtel de ville, rue Bonnetterie. Et dans cet hôtel travaille un ancien migrant, mais qui s'est arrêté à Marseille, qui s'appelle César Tasso, qui est originaire de Beyrouth. Alors, il n'a pas un nom très libanais, mais il est libanais. Et il est arrivé dans les années 1880.